C'est le moment bashing. Léa, une minute pour démolir un grand classique du cinéma, de la littérature. Chaque semaine, Léa balance une pantoufle dans la gueule de quelqu'un. Elle se fait beaucoup d'amis. Léa, beaucoup d'amis. Léa, tu fais ton bashing sur qui ou sur quoi ? Eh bien, je suis au regret de vous annoncer qu'aujourd'hui, je vais envoyer ma pantoufle dans la gueule d'Amélie Poulain. Le film se déroule dans un Paris caricatural et aseptisé, une sorte de fantasme américain finalement. Un fantasme où une simple serveuse peut se payer 40 mètres carrés à Montmartre. En tout cas, on voit que Jean-Pierre Jeunet connaît bien Paris. Et non, c'est ironique, c'est un montage de cartes postales aux couleurs indescriptibles et criardes. 2 heures d'exercice de style de mise en scène avec des mouvements grossiers et inutiles qui accompagnent chaque action de chaque personnage comme un surlignage intempestif de chaque intention. Bref, la mise en scène pour les nuls est de sortie, mais alors pour les vraiment nuls. Hein. Exercice de style aussi sur l'esthétisme. C'est un festival de mauvais goût, de couleurs et d'effets spéciaux inutiles. Mais parlons un peu d'Amélie. Amélie est intrusive, elle commet des violations de vie privée comme elle respire. Elle s'immisce dans la vie des gens, modifie le cours de leur destin. Elle juge au passage l'existence des autres et met une étiquette sur eux. S'ils sont heureux ou malheureux, elle juge de qui est misérable, avec comme seule vision sa propre vision, sa version de petite idiote pédante. Elle s'introduit chez les gens, elle punit les méchants, enfin ceux qu'elle juge comme méchants, et distribue les bons sentiments aux autres. Bref, il n'y a pas d'autre mot, c'est une psychopathe. Je vous passe la profonde naïveté des personnages, le des courts-métrages du réalisateur. Et blablabla. Et voilà, pour les âmes sensibles, désolé. Voilà, Léa va se faire encore des copains. Je crois que quelqu'un a aimé Amélie Poulain ouais, autour de la table. J'adore, moi, ce film. Tu peux pas. Tiens, je te filerai ma note parce que j'ai pas fini. D'accord.